Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la dernière édition de ce 4 août 2017. Et en voici tout de suite les grandes articulations. Deux militaires, dont un officier, ont été acquittés cet après-midi de vendredi par le tribunal de grande instance de Muyinga dans le dossier d'attaque du camp de Mukone. C'était en janvier cette année. Cinq autres ont été condamnés à 7 ans de prison. Précision de notre correspondant à Muyinga dès le début de ce journal. Le parti MRC Lorenzo Nguemero appelle la communauté est-africaine et l'Union africaine à soutenir concrètement le Conseil de sécurité des Nations Unies à propos de sa récente déclaration sur le Burundi qui réaffirme que l'accord d'Arusha est la pierre angulaire de la paix dans le pays. Et bientôt, tous les commerçants vont désormais utiliser un même modèle de facture. Le commissaire des taxes internes et des recettes fiscales dit qu'il ne s'agit pas d'une innovation, mais de l'application d'une législation déjà existante. Et dans le reportage du jour, nous parlerons d'une campagne d'enregistrement des enfants dans les registres d'état civil en mairie de Bujumbura. L'activité en cours depuis mercredi se déroule ce vendredi en zone Kenyosha et a été initiée par l'association Sojepaye en collaboration avec la mairie et l'UNICEF. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir, je venais de vous le dire. Deux militaires, dont un officier, ont été acquittés cet après-midi, ce vendredi, par le tribunal de grande instance de Muyinga dans l'affaire d'attaque près du camp Mukoni. C'était en janvier cette année. Dans le même dossier, 5 autres militaires ont été condamnés à 7 ans de prison. Un haut gradé cité pour témoigner à des charges ne s'est jamais présenté. Les précisions de notre correspondant, Dieudonné Nzeyimana. Le lieutenant Moïse Nimouona et le sous-officier de l'armée Antoine Nizigama ont été acquittés par les juges du tribunal de grande instance de Muyinga après une procédure qui a démarré fin janvier, moment de leur arrestation. Ils étaient poursuivis pour atteinte à la sécurité et complicité de vol à main armée dans une attaque qui surgit dans les parages du camp Mukoni en janvier. Dans le même dossier, 5 militaires ont plutôt été condamnés à 7 ans et 6 mois de prison. Lors des audiences publiques, ils n'ont cessé de plaider non coupables et ont même fait appel aux témoins parmi les plus gradés. Lors de la dernière audience mi-juin, un major a témoigné en faveur du lieutenant acquitté. Il affirmait qu'ils opéraient ensemble le jour de l'attaque. Un témoin réclamé par le groupe condamné ne s'est jamais présenté. C'est le colonel Zeyman Papi, commandant de la 220e brigade, dont le chauffeur est parmi les condamnés. La condamnation est tombée sur base des enquêtes de police et des audiences publiques, alors que l'officier cité avait promis de produire un document écrit, promesse non tenue d'après une source judiciaire. Pour rappel, ces militaires condamnés sont des cas de Mutukula en province Changzo, Kirundo de la province Kirundo et Mukoni de la province Muyinga. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. On reste dans cette province de Muyinga pour dire qu'un policier de la position de Muramba en commune Buhinyuza écope d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Il est accusé d'avoir gardé environ 70 kg de chanvre et au lieu d'informer ses supérieurs hiérarchiques, il s'est mis à rechercher un client pour vendre la saisie. Ce verdict est tombé après l'audience publique de ce vendredi en dossier de flagrance au tribunal de grande instance de Muyinga. Les juges ont aussi condamné à 10 ans de prison pour 2 Rwandais arrêtés fin juillet en commune Guiterani avec 10 kg de chanvre trafiqué à partir de la Tanzanie. Le parti MRC Lorenzo Nguemero appelle la communauté est-africaine et l'Union africaine à soutenir concrètement le Conseil de sécurité des Nations Unies sur sa récente déclaration sur le Burundi. Eric Ngingu Burundi, porte-parole de ce parti, se réjouit que l'ONU, de même que l'envoyé spécial et le secrétaire général de l'organisation, ait affirmé que l'accord d'Arusha est la pierre angulaire pour la paix au Burundi. Il appelle l'EAC et l'Union africaine à emboîter le pas à l'ONU pour contraindre les parties en conflit à accepter de dialoguer. Suivez Eric Ngingo-Burundi, porte-parole du MRC. Comme déjà le processus a paru très long et que le Conseil de sécurité même a souligné la stagnation de ce processus, nous pensons qu'il fallait accélérer, et cela par l'Union africaine et par l'EAC notamment, en prenant des mesures contraignantes, surtout à l'endroit du gouvernement qui n'a pas manifesté une volonté réelle pour participer à ce processus, à ce dialogue inter-burundais. Il faut des positions, il ne faut plus de déclarations. Au moment actuel, il ne faut plus dire des mesures. Nous disons, nous sommes contre, nous sommes fatigués. Donc, il faut passer par des actes, par des mesures et qui pousseraient toutes les parties à accepter le dialogue inter-burundais. Vous parlez des mesures qui viendraient contraindre le gouvernement, mais quel comportement devrait adopter l'opposition? L'opposition a déjà montré sa concession d'accepter de participer au dialogue. L'autre attitude peut-être qui reste, c'est de solliciter les différentes communautés, notamment le Conseil de sécurité, notamment l'Union africaine, notamment l'EAC, les chefs d'État, pour peut-être penser très prochainement à un autre sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, afin quand même de trouver eux aussi une résolution qui vient pour appuyer cette résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire que, clairement, il faut que le prochain sommet des chefs d'État de l'EAC aborde, donc soutienne clairement l'accord d'Arusha comme le Conseil de sécurité l'a fait, pour appuyer le médiateur, le facilitateur Benjamin Mkapa, qui s'est donné corps et âme, mais qui est bloqué parce qu'il y a d'un côté le gouvernement burundais qui n'est pas prêt. C'était Eric Nkengo, Burundi, porte-parole du parti MRC, Rurenzangemero. Dans la suite de ce journal, les contribuables burundais vont désormais utiliser un même modèle de facture dans leur vente au quotidien. Cela a été dit ce vendredi par le commissaire des taxes internes et des recettes fiscales à l'OBR, l'Office burundais des recettes. Jean-Bercman Senimbona a expliqué que la facture qui sera délivrée au client n'est pas une nouveauté, mais plutôt une application de la législation déjà existante, et de préciser que tout le mois d'août servira à tous les contribuables de s'y préparer. Et certains clients des banques dénoncent le favoritisme et la corruption de certains agents des banques dans l'octroi des crédits bancaires. Là, nous sommes à Rumonge, au sud du pays en général. Dans une réunion tenue ce jeudi à Rumonge avec les clients de ces banques dans le sud du Burundi, l'association des banques et établissements financiers leur demande de contribuer dans la dénonciation de ces cas. Jean-Pierre Misago pour les détails. Selon certains clients des banques et établissements financiers du sud du Burundi, certains agents des banques, surtout les gérants, exigent des ponts de vin ou mettent en avant le clientélisme dans l'octroi des crédits bancaires aux demandeurs. Ceci pèse lourdement sur ces clients qui doivent payer les intérêts et du crédit réellement reçu et de la somme versée à l'agent de banque. Dans une réunion des commerçants opérant dans les provinces de Bururi, Rutana, Makamba et Rumonge ce jeudi à Rumonge, l'association des banques et établissements financiers n'a pas nié les faits, et Cyril Sigejeje, administrateur et directeur général de la banque de gestion et de financement et qui était l'un des conférenciers du jour, a demandé le concours de ses bénéficiaires de crédit dans la dénonciation de ces cas qui ternissent l'image des banques pour le licenciement. L'association des banques et établissements financiers et les commerçants du sud du Burundi échangeaient sur les mécanismes et conditions d'accès aux services financiers ainsi que les conditions de réalisation des garanties dans l'industrie bancaire au Burundi. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Isanganiro. L'organisation Parsem demande que le rapport des États généraux de la justice tenu le 5 août en 2013 soit rendu public. Dans une conférence de presse de ce vendredi, Faustin Dikoumana, président de cette organisation, a estimé que cet événement devrait servir de date historique. Selon toujours Faustin Dikoumana, de fortes contributions avaient été émises, notamment sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Suivez Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem. Il y a par exemple la composition du Conseil supérieur de la magistrature. On avait insisté d'abord pour marquer l'indépendance de la magistrature, que le président de la Cour suprême devait avoir un statut de quelqu'un qui est élu comme un ombudsman pour ne pas être à la solde du pouvoir exécutif. Et au niveau protocolaire qu'il devait suivre même, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. On avait insisté sur le renforcement de l'inspection de la justice. Si on accorde de l'indépendance aux magistrats, il faut renforcer l'inspection de la justice qui devrait même rendre des rapports trimestriels. Au lieu de se lamenter qu'il y a des magistrats qui ont libéré les coupables, il faut en rapport et sanctionner ceux qui se rendent coupables de ce comportement. Il y a la gestion de la carrière des magistrats qui devrait tenir compte aussi du grade, non pas du niveau des tribunaux. Il y a l'inamovibilité des juges, l'exécution des jugements qui devait être obligatoire. Et au niveau de la chaîne pénale, on avait insisté à la sensibilisation du rôle des OPJ. Que ce sont seuls les OPJ qui ont, de par la loi, la faculté d'arrêter les gens. Le service national de l'enseignement devrait aider au niveau de la prévention, au niveau de l'exécution. Cette situation reste encore problématique. La lutte contre les emprisonnements arbitraires et abusifs, systématiser les libérations conditionnées pour désengorger les prisons, humaniser les conditions de détention et aussi savoir que la justice devait être au service du secteur privé, environnement des affaires et sans aussi une justice. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, dont les propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. La Fédération de cyclisme du Burundi compte organiser une course à vélo à l'échelle nationale au début de l'année 2018 dans la perspective de détecter des talents en cyclisme qui pourront représenter le Burundi dans des compétitions internationales. Cette annonce a été faite ce vendredi par le président de cette fédération, Arnaud Patrick Iryumugabo, l'a dit après l'Assemblée générale de la dite fédération qui avait l'agenda de compléter les organes de cette dernière. On l'écoute au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Le travail qui va suivre, le travail d'aujourd'hui, on va essayer de compléter ces commissions et on va préparer un plan d'action pour le développement de notre sport. Ce plan d'action consiste à faire quoi ? Ce plan d'action consiste à faire la détection des talents. On va organiser des compétitions au niveau des communes. On va utiliser les vélos ordinaires, mais les 10 premiers vont faire la compétition au niveau de la province. Et au niveau de la province, on va prendre 10 meilleurs et on va les amener au centre d'entraînement qu'on est en train de préparer à Guigura. Et je remercie en passant la régie des Okinawa nous a généreusement offert les recos où nous allons installer notre camp d'entraînement provisoire. Si on a la possibilité d'avoir ces vélos de course, on va créer des clubs au niveau provincial qui utiliseront des vélos de course. On constate que ce sont les garçons qui pratiquent souvent la course à vélo, que les filles sont plus nombreux. Et là, qu'est-ce que vous comptez faire? Là où c'est possible, vous savez, les mers burundais, il y a des coins où c'est pas possible que les filles fassent du vélo, mais là où ça sera possible, on organisera aussi des courses pour les femmes, mais d'ores et déjà dans la fédération, nous avons une équipe nationale qui nous a représenté aux Jeux africains à Luxor en Égypte. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire aux parents qui ont des enfants que le vélo, c'est pas les garçons, les filles aussi peuvent faire du vélo. Et j'encourage aussi même les parents de penser aussi aux filles quand ils achètent les vélos. C'était Arnaud Patrick Iryumugabo au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Et puis, plus de 10 000 enseignants publics et privés de la deuxième année post-fondamentale de l'enseignement général et pédagogique bénéficieront d'une formation dans le cadre de la pédagogie de l'intégration qui vise à placer l'élève au centre des apprentissages. Pour la deuxième année scolaire consécutive, de nouvelles orientations pédagogiques et didactiques se mettent en place dans les écoles du cycle post-fondamental grâce à l'appui financier et technique de l'Agence belge de développement CTB. Cette année, l'appui de cette coopération s'élève à 1,85 million d'euros. De plus, ces enseignants feront l'objet d'un accompagnement après formation en termes de séquences d'observation en classe ou de journées pédagogiques. Un communiqué de presse de la CTP précise que les formations ont été décentralisées au maximum et se dérouleront dans chaque commune du pays. Et puis c'est ce vendredi que les habitants de Kagwema, commune de Gihanga, de la province Bubanza, ont eu accès dans leur champ dans la plaine de la Rusizi, après un mois d'interdiction par les militaires basés dans cette localité. C'est après un entretien du gouverneur avec ses militaires que le problème a été résolu. Spes Caritas Kavanyana. Les responsables des militaires basés dans la plaine de la Rusizi, du côté de Kagwema, avaient interdit à ces habitants de la colline Kagwema à retourner dans leur champ il y a à peu près un mois. Et selon des sources locales, c'était dans le cadre de protéger la réserve naturelle de la Rukoko, mais aussi il est difficile de différencier les cultivateurs et les malfaiteurs qui viennent de l'autre côté de la Rusizi et qui font souvent des embuscades sur la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke. C'est pourquoi tout accès dans cette localité avait été interdit. Après un entretien du gouverneur de province, de l'administrateur de Gihanga et de ses militaires, Le problème a été résolu. Les habitants de la colline Kagwema sont retournés dans leurs champs ce vendredi. Des champs de haricots, de maïs, de coton, de manioc et autres, et qui s'étendent sur environ 100 hectares. Cependant, ils doivent respecter ces conditions. Y aller trois fois par semaine et travailler seulement jusqu'à 14 heures selon l'administration locale. C'est Caritas Kabanyana Kubanza, Radio Isanganiro. À la source, reportage. Plus de 22 000 enfants n'ont pas été enregistrés après leur naissance dans les registres d'état civil de la mairie de Bujumbura. L'association Sogepaye a débuté mercredi une campagne pilote d'enregistrement de ces enfants en collaboration avec la mairie et l'UNICEF. Le chargé du suivi et évaluation des programmes dans cette association dit que l'ignorance et la pauvreté sont quelques-unes des causes de ces effectifs élevés d'enfants non enregistrés. L'activité s'est poursuivie ce vendredi en zone Kanyosha. C'est un reportage d'Alain Désiré Bukayenetsa. Nous sommes près de la zone Kanyosha en mairie de Bujumbura. Les agents d'état civil sont en cours d'enregistrement des enfants non inscrits dès leur naissance. Eric Nsengiyumva vient faire enregistrer ses 5 enfants. Je suis venu faire enregistrer ces enfants pour qu'ils soient reconnus par l'État. Je me suis dit, en tant qu'orphelin, il faut que je vienne faire enregistrer ces enfants comme on nous a dit de le faire. Ils sont en nombre de 5. Je ne l'ai pas fait avant parce que j'avais des problèmes. J'ai été hospitalisé car je souffrais de la tuberculose et je vous ai aussi dit que je suis orphelin. Ce n'était pas facile quand on les amenait à l'hôpital parce qu'on nous demandait beaucoup d'argent étant donné qu'on n'avait pas le papier octroyé par la commune. Christine Bukuru dit n'avoir pas enregistré son enfant faute d'extrait d'acte de naissance puisqu'elle est en union libre. Ils ont annoncé un communiqué disant de s'inscrire à la commune. Oui, mon enfant est maintenant inscrit à la commune, mais nous n'avons pas encore d'extrait d'acte de naissance. Après mon accouchement, je suis tombée malade et lorsque je suis allée l'enregistrer à la commune, on a refusé parce que nous ne sommes pas mariés légalement. Je vis avec mon mari et nous envisageons de légaliser notre union. Plus de 22 000 enfants n'ont pas été enregistrés dès leur naissance en mairie de Bujumbura. Le chargé du suivi évaluation au sein de la Sogepaye, Freddy Bizimana, dit que parmi les causes de ce chiffre élevé figurent l'ignorance et la pauvreté. Parmi les causes, nous constatons qu'il y a l'ignorance. La population ne sait pas les intérêts à faire enregistrer l'enfant parce qu'elle n'a pas été bien sensibilisée. Et pour cela, nous disons que l'administration locale doit continuer à sensibiliser les parents à faire enregistrer les enfants. En plus, il y a la pauvreté. Il y a des papiers qu'on demande pour l'enregistrement. Si on n'a pas l'argent pour payer, vous avez vu que c'est 2000 francs pour l'enregistrement légal. Si on n'a pas cet argent, on n'est pas enregistré. Alors les parents laissent enregistrer les enfants. Au moment où cet acte se déroule dans toutes les zones de la mairie de Bujumbura, Pinge Ndabakana, chef du service d'état civil et identification en mairie de Bujumbura, fait savoir qu'il s'agit d'une activité pilote de 5 jours depuis ce mercredi pour pouvoir constater les moyens nécessaires pour l'enregistrement de ces enfants non inscrits. Le chargé du suivi et évaluation au sein de la Sogepaye plaide pour l'enregistrement des enfants dès leur naissance à la maternité comme stratégie. Normalement, la première stratégie que je trouve viable, c'est d'abord l'enregistrement à la maternité. Parce que là, l'enfant a un parent, l'enfant a des membres de la famille qui peuvent l'enregistrer. Et puis, l'enfant, une fois pour toutes, comme une fois pour toutes, il est né, aussi une fois pour toutes, il a acquis la nationalité, il a acquis la citoyenneté. Et l'autre mesure, c'est de sensibiliser les parents et de veiller à ce qu'il n'y ait aucun enfant qui n'est pas enregistré. Cette campagne se déroule également dans les provinces Gitega et Ruyigi où se répartit le projet More Mwana de la Sogepaye. Merci Alain Désiré Bukayenetsa pour ce reportage qui met fin à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean de Dieu Ndaïsenga pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Nduimana. Ne tournez pas le bouton, nos programmes continuent.